fils Estelle, tu l'as comme Sébastien Chabal. Tu tapes ton fait mal à toi et à ton trou de balle. Ton tapé est méchant et ton tapé plus dedans. Quand ton tapé ouvre la bouche, y a un mort dedans. La grosse de Christopher résonne pendant toute la nuit. Elle attend de l'éléphant, tout fait des guilis guilis.